à toutes et à tous, c'est Michel pour sa rubrique du jeudi matin sur RGM. Voilà, on va peut-être parler des gilets jaunes. Alors, j'ai découvert un article, un très grand article de Libé, sur justement les gilets jaunes, mais alors comment c'est vu depuis l'étranger, hein, parce qu'on en a parlé quand même assez longuement de ce qui se passait en France. Alors, en Chine, on dit la France, société inégalitaire. Pour les médias chinois, le mouvement des Gilets jaunes est la plus grande révolte que la France a connue depuis mai 68. Non, peut-être pas tort. Dans un pays considéré comme le centre historique de la révolution en Europe, par Hu Xiling, journaliste au Global Time, organe d'État connu pour son nationalisme. Dans une vidéo publiée sur Weibo, je pense que ça s'écrit comme ça, se prononce comme ça, on ne sait pas si c'est anglais ou chinois, l'équivalent chinois de Twitter, l'éditorialiste assure que ce mécontentement vise à dénoncer une société inégalitaire et trouve son origine dans le marasme économique que connaît l'Europe. Voilà, entre autres, hein, je ne donne qu'un extrait de la réaction chinoise. Israël et la Palestine, le capitalisme pousse à la violence. Ouais, ils sont peut-être un peu dans la bonne rubrique. Une poignée de secondes dans les JT des dépêches d'agence sur les dégâts à Paris, samedi dernier, moulinés sans recul par les grands quotidiens d'Israël. La couverture des gilets jaunes reste modeste. Distance, si ce n'est inexistante. Étonnant alors qu'ici, d'ordinaire, tout ou presque est matière aux envolées intello-idéologiques. Il est vrai qu'au pays des breaking news perpétuels, l'espace médiatique est déjà saturé par les affaires de corruption. Voilà, en gros, ce qu'on dit, et à Ramallah, tout s'explique par 30 ans de néolibéralisme. Avec la disparition de la vraie gauche, le capitalisme pousse à la violence, dernier moyen de résister. Chez nous, ça donne les islamistes, chez vous, les gilets jaunes. Alors, en Égypte, on parle, en Égypte et Syrie, le régime de Macron réprime sauvagement. C'est assez marrant parce qu'en Égypte aussi, on réprime aussi sauvagement l'opposition. Hein. Le peuple veut la chute du régime. Le célèbre slogan du printemps arabe tagué, en arabe, sur un immeuble du 16e arrondissement a été pris en photo et repris massivement sur les comptes des internautes arabes. Le hashtag Gilets jaunes figure depuis quelques jours parmi les plus utilisés sur l'Internet arabe. En Égypte, tandis que certains opposants égyptiens comparent les rues françaises à la place Tahrir en 2011, du fait des profils disparates des gilets jaunes et de leurs revendications, les relais pro-gouvernemental du régime al-Sisi dénoncent le chaos et la sédition qui frappent la France. Voilà. Alors la Grèce, bien sûr, est beaucoup plus favorable. La Grèce, on dit, la révolution est en cours. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité aux manifestants français, aux gilets jaunes, pour dénoncer nous aussi la politique menée par Macron en France. Le sexagénaire qui s'exprime ainsi porte le fameux gilet comme une trentaine d'autres personnes rassemblées devant l'ambassade de France à Athènes, en plein milieu de l'après-midi. Il s'appelle Yanis Tolios et il est économiste, membre du parti politique Unité Populaire, un ancien courant de la Syriza, qui a quitté le parti de la gauche grecque en 2015. Pour lui, ce mouvement est l'expression pour les travailleurs français d'une contestation profonde des politiques menées dans l'eurozone et par l'oligarchie. Elle a un écho en Grèce. Un point de vue partagé dans les cafés, les images des violences sont diffusées en boucle, mais elle ne semble pas heurter la population d'un pays dont le cœur a battu au rythme des défilés contestant l'austérité entre 2010 et 2014. Quant à la presse, elle estime à l'unisson que le mouvement exprime un mécontentement général qui dépasse la hausse des carburants. Alors, je crois que c'est quand même la Grèce est quand même pas mal dans le bon sens. Alors, États-Unis, une taxe imposée par des gauchistes radicaux. Ça fait un petit peu rigoler, hein, quand on sait aussi que Trump a dit que, c'est la lutte pour le climat n'était pas vraiment son truc. Voilà, en Angleterre, on dit, ça fait 3 ans qu'on se déchire de manière parfaitement civilisée autour du Brexit, c'est ce qu'on dit en Angleterre. Chez vous, il suffit d'une hausse d'impôts et le pays est à feu et à sang. C'est vrai que les Anglais sont toujours tranquilles. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réaction à Buenos Aires. La violence libérale, on connaît ça, que disaient les Argentins. Bloquer les rues, les routes, brûler des voitures et casser des vitrines, sûr qu'ils se sont inspirés des Argentins, vos gilets jaunes. Dans ce petit café français du quartier historique de San Telmo, à Buenos Aires, le ton est rigolard, mais surtout las et désabusé. En secouant son journal pour faire tomber des miettes de croissant, Pedro, retraité, habitué du lieu, poursuit. Ici, en décembre, c'est toujours très tendu socialement. Et cette année, avec la crise économique, l'inflation, on s'attend tous à ce que ce marasme finisse par exploser. Les questions du pouvoir d'achat en berne, la violence d'un gouvernement libéral pour les riches. On connaît bien ça, malheureusement. Voilà, c'est un extrait un petit peu des réactions en Argentine. Et puis en Iran, exhorter Macron à la modération. C'est bien quand même les Iraniens. Un petit groupe s'est rassemblé pour protester contre les violences policières. La scène se déroule mercredi dans la capitale iranienne, devant l'ambassade de France. Les manifestants dénoncent la répression du mouvement des Gilets jaunes. Rebelote vendredi, une poignée d'hommes Gilets jaunes sur le dos, brandissent des pancartes évoquant les victimes faites par Macron à Paris et au Yémen. Bah, au Yémen, on comprend, hein, puisque de toute façon, c'est des avions français. Parmi les avions, il y a des avions français qui tuent, y compris des civils au Yémen, hein, par l'intermédiaire de l'Arabie saoudite. Voilà, puis d'autres réactions à Madagascar. Pourquoi s'attaquer aux statues? Ah ben oui. Les Malgaches ont été très sensibles au fait que l'on peut effectivement casser une statue à l'Arc de Triomphe. Ben voilà, je voulais quand même vous livrer ces réactions un peu internationales par rapport à ce qui se passe en France, parce que c'est vrai que ce qui se passe en France est quand même le début d'une révolution qui sera peut-être avortée, mais il n'empêche quand même que c'est suffisamment important pour réveiller la sensibilité des journalistes ou de simples citoyens dans d'autres pays du monde. Et voilà, je vous ai donné un petit échantillon. On reparlera des Gilets jaunes, pour certainement, à mon prochain édito. À ma prochaine édito sur RGM. En attendant, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.